Web Passion. Radio Web Passion. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Radio Web Passion. Et vous êtes bien à bord d'Only Rock. On est ensemble pour une heure et demie de rock'n'roll. Forcément, le rock des années 2000, 2010 et même maintenant 2020, on y est. Forcément, même si elle commence des plus dramatiquement possibles cette année 2020. Bref, on espère qu'elle sera meilleure pour les prochains mois et même 2021. Tant qu'à faire, maintenant, on va se pencher vers les prochains mois. En attendant, plein de musique, forcément, du rock français, du rock anglais encore, du rock tourangeau, du rock de Nouvelle-Calédonie même. Bref, je ne vous fais que ça, du rock féminin aussi. Bref, vraiment, allez, j'ai 18 morceaux à vous mettre sous la dent, entre les oreilles. On va commencer tout de suite par, forcément, les Têtes Raides. C'est l'heureuse synthèse entre le rock alternatif et le bal musette. Les Têtes Raides se sont avant tout fait remarquer pour leur texte et l'incroyable voix de leur chanteur, à savoir donc Monsieur Christian Olivier. Plus qu'un groupe, les Têtes Raides revendiquent une activité artistique qui dépasse, on peut se le dire, souvent le cadre musical, à travers les arts graphiques, à travers l'écriture, en passant par le cirque et le théâtre sur scène. Les Têtes Raides sont à plusieurs titres considérés comme la tête de file d'un courant plutôt réaliste qui depuis, on va dire maintenant, les années 80, et ouais, déjà maintenant, les Têtes Raides vitaminent un peu sérieusement les neurones de la chanson française. Donc pour ce faire, je vous propose d'écouter tout simplement Dépêche-toi. Dépêche-toi, c'est les Têtes Raides et c'est dans Only Rock. Il est 17h35 et vous êtes ensemble jusqu'à 19h. C'est parti. C'est chez eux que j'ai raccommodé mon cœur. C'est chez toi qu'on dit rien, mais que la nuit est si blonde. Je reverrai tes yeux dans les couloirs de mes rêves. Qu'un souffle les enlève, j'éventrerai les cieux. En juillet 69, on dépucelait la blonde. Puis en 68, on a refait le monde. On brûle bien des vierges, va-t'en savoir pourquoi. On consume des cierges, ça calme nos effrois. C'est eux qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. Le désir ne vaut rien s'il n'est qu'une joconde, de sourire en travers offert à tout le monde. On esclave des frères, va-t'en savoir pourquoi. On déchire la terre, car on s'ennuie des fois. C'est eux qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. J'ai raccommodé mon cœur. C'est chez toi qu'on dit rien, mais que la nuit est si blonde. Je reverrai tes yeux dans les couloirs de mes rêves. Qu'un souffle les enlève, j'éventrerai les cieux. C'est de qui me l'ont dit, de remplir nos galoches, de charger nos fusils, de pierres et de brioches. Vite dépêche-toi, j'entends la ferraille des soldats. Un soleil qui s'éteint, c'est une mer qui s'étire. Un enfant qui nous vient, c'est une mort à venir. Puis toujours ce temps qui nous porte, c'est pas nous qu'on choisit. Nous, on s'emporte dans un désir de désir. Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et bien voilà, les Tetraed ouvrent le bal du rock sur Only Rock, toujours sur Web Passion. On continue parce que sans transition aucune, on traverse la Manche. Mais en 2004, on était très très loin du Brexit, puisqu'en 2004, le groupe Les Libertines sortait leur album éponyme, tout simplement The Libertine. On va écouter le titre Can't Stand Me Now, mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos des Libertines aujourd'hui? Eh bien, c'est un groupe de punk rock britannique originaire de Londres, tout simplement. Il est formé en 1997 déjà, par monsieur Karl Barat et Pete Doherty. Il faut savoir que c'est monsieur Mick Jones, l'ancien membre des Clash, qui fut le producteur artistique de leurs deux premiers albums sur le label Rough Trade. Le groupe gagne en notoriété dans les années 2000, mais forcément, la notoriété, ça va, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs, et forcément, Pete Doherty a souvent baigné dans les côtés négatifs de la notoriété, avec ses déboires de drogue et d'alcool. Bref, voilà, ça n'enlève en rien que la musique des Libertines est très bonne, et pour ça, je vous propose d'écouter Can't Stand Me Now, sorti en 2004. fitting for the start. You twist and tore our love apart. Your life fingers through the dark. Shattered the lamp at the darkness it cast. But oh no, you've got it the wrong way round. You shut me up and blamed it on the ground. Cornered the boy, kicked out of the world. The world kicked back and I fucking hard at all. If you wanna try, if you wanna try, there's no worse you could do. Le son débarque sur Web Passion, toujours à bord d'Only Rock. Et là, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut mourir jeune et passer à la postérité? Alors là, je vous pose la question, moi j'ai pas la réponse. Mais est-ce que c'est le cas des Stripes? Parce que les The Stripes, c'est un jeune quatuor irlandais qui a annoncé la fin de son aventure en 2018 sur son compte Twitter. Alors, faut savoir qu'ils étaient tout jeunes, hein, les Stripes, à l'époque. Et voilà ce qu'il déclarait le 14 novembre 2018. Durant ces 7 dernières années, nous avons joué dans les toilettes et dans des théâtres, dans des cafés, des châteaux, de chez nous en Écosse, jusqu'à Tokyo, aller et retour. On a dormi dans des dortoirs et dans des bus, des avions, des trains, des voitures. On est passé à la télé, à la radio et sur des disques. Ce fut fun et excitant, terne et dangereux, facile, dur, frustrant, satisfaisant et incroyable. Juste le temps de vivre une vie. Malgré tout ça, nous avons décidé de mettre un terme à The Stripes. Merci à tous, on se voit dans le prochain film. Signé Ross, Josh, Pete et Eve. Voilà, c'était les Stripes. Alors, ça a été une carrière fulgurante et ils ont démarré très très jeunes. Ils étaient même pas majeurs et ils se sont arrêtés. Ils étaient tout juste majeurs. On écoute Angel Eyes. C'est sorti sur leur album, donc Snapshot, et c'est The Stripes. Toujours dans Only Rock. You take a glance, his headlines say you're on the right page for romance, and you just fall. Oh yeah, you fall for those eyes. Oh yeah, you fall for angel. touch the brakes. You try to speed up, but he overtakes. You move so quickly that you miss the signs. Forgotten where you're headed, girl, but you don't see the mind, 'cause you just fall. Angel Eyes, les Stripes, qui ont mis fin à leur carrière il y a tout juste 2 ans. Allez, il est 17h48, c'est bientôt l'heure de l'apéro, mais aussi peut-être bientôt l'heure de passer à table. Alors ce soir, le menu pour vous, je ne sais pas ce que ça peut être, mais pourquoi pas. Je vous donne l'idée d'un poulet. Alors si vous voulez une recette de cuisine de poulet mariné, plutôt rock'n'roll, concoctée par monsieur Yarol Poupeau, alors allez voir ma page de l'émission. L'émission, c'est Only Rock sur le réseau social Facebook. Et vous allez voir, dans un cadre magnifique, parce qu'il était dans une petite maison dans le sud de la France, Yarol, et il nous a fait une marinade de pour le poulet au feu de bois. C'était tout simplement succulent. Rien qu'à le regarder la vidéo, j'en avais l'eau à la bouche. Yarol, il a sorti son album qui porte son nom, Yarol, et le titre qu'on écoute, c'est Black Cat Bound. You gotta move on, black cowboy. another town, another client, another clown. When he wakes up, you'll be gone. You'll never stop, you'll just move on. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. Black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. You gotta move on, black eyed bone. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et on continue, on va passer le top des 18h entre les Amériques et la Touraine, entre le titre « Le sang, c'est de l'amour » des Queen of the Stone Age, sorti sur l'album « Lullabies to Paralyze », je veux bien sûr vous dire « The Blood is Love », et le titre de l'exception française culturelle du groupe Tourangeau Clark Kent, « French Cultural Exception ». Je vous laisse avec ces deux titres-là sur Only Rock. On va passer tranquillement le top horaire des 18h en musique et on se retrouve juste après pour un titre qui nous viendra de Nouvelle-Calédonie, mais ça je vous en parle juste après, après les Queen of the Stone Age et Clark Kent tout de suite dans Only Rock. Eh bien, bonne écoute. Thank you. Passion, Radio Web Passion. Radio Web Passion. D'Only Rock. Ce sera le 22 septembre, je recevrai monsieur Mickaël Avoriaz pour le projet Avoriaz, un projet musical mais pas que vraiment. On aura l'occasion d'en reparler mais je vous laisse, je vous donne tout de suite le rendez-vous. Mardi 22 septembre, 18h-19h, spéciale émission avec le projet Avoriaz et Mickaël au micro qui sera avec quelques-uns de ses musiciens. Mais bref, on en reparlera tranquillement. Là, je vais vous faire appel à un petit souvenir que la musique me rappelle. Voilà, c'était il y a une dizaine d'années, j'étais sur un festival bénévole dans les loges avec une personne avec qui j'avais sympathisé et on est resté en contact. Et quelques mois après le festival, on se voyait toujours. Elle me dit tiens, j'ai le cousin d'une amie qui est en Nouvelle-Calédonie, qui fait de la musique et qui vit en métropole et qui cherche des concerts. Est-ce que tu pourrais nous aider? Parce que à cette époque-là, j'étais un peu dans la musique avec les groupes. Et voilà, je leur ai dégoté 3 concerts dans 3 bars sur Tours sur une dizaine de jours. J'avais hébergé les musiciens chez moi, c'était vraiment une belle époque, c'était un bon moment de partage, sympathique. On avait beaucoup échangé sur la culture nouvelle de néo-calédonienne. On avait parlé de la Touraine et des vins de Tourangeau et des châteaux de Touraine. Donc c'était vraiment une belle époque et je voulais partager ça avec vous. Le groupe, c'est les 3 petits cochons. Alors je sais pas s'ils existent encore, mais bon, on peut peut-être les trouver quelque part sur le net. Et le titre qu'on écoute, c'est « Tant pis pour nos rêves ». Passion toujours, on est dans Only Rock et il est déjà 18h, passé de 10 minutes. Alors là, je vous présente un super groupe de rock américano-anglais, originaire de Los Angeles en Californie. Il est composé de Dave Grohl à la batterie, de Josh Homme à la guitare et au chant, de John Paul Jones à la basse, forcément Dave Grohl, fondateur des Foo Fighters et ex-membre de Nirvana. Josh Homme du groupe Queens of the Stone Age et de Eagle of Death Metal, et anciennement également Q's pour les Kotsa. Et puis John Paul Jones, forcément l'ancien bassiste claviériste du groupe Led Zepp, forcément. Le trio est accompagné d'Alan Johannes à la guitare, qui donne son premier concert à Chicago le 9 août 2009. Voilà pour la petite histoire. On écoute Mind Eraser, No Chaser, c'est Them Croc Vultures dans Only Rock. C'est parti. We'll be right back. Et voilà, un peu de je sais pas trop ce que c'est comme instrument, mais voilà, à la fin d'un morceau rock, bah, je trouvais ça sympathique. C'était Them Croc Vultures, Mind Eraser, No Chaser. On continue la balade rock avec A Subtle Plague. Alors, c'est un groupe de rock indépendant américain. Entre 1990 et 1999, ils sortent pas moins de 5 albums studio. On retrouve au chant Pat Ryan et Anna Lucia Martin. À la batterie, c'est monsieur Sean Covey. À la guitare, Christopher Simmersch et Patrick Simmerbach à l'autre guitare. Et Benji Simmerbach, ils sont frangins, à la basse et au chant. I Separate, c'est le titre que je vous propose de A Subtle Plague dans Only Rock. La passion du rock sur le web avec Fabien en direct sur Radio Web Passion. Et dans le rock, forcément, je soutiens la cause des femmes dans le rock parce qu'elle n'est pas encore assez répandue, on n'en parle pas assez dans le rock, dans le métal, dans le grunge, dans le rock indépendant. Donc là, je vous fais partager un groupe qu'on a déjà entendu dans le rock, c'est She-Wolf. C'est du grunge, c'est sauvage, c'est asséné par 3 femmes et je vous propose tout de suite Au nom du Père. Thank you. Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. Et comme ça vous a plu, She-Wolf, et ben je vous en mets une deuxième couche. Il y a un clip qui est sorti il n'y a pas très très longtemps sur leur site, she-wolf.net. Je vous propose tout de suite, en avant-première dans le rock, de l'écouter, c'est Apology, She-Wolf. Et ça démarre, j'ai envie de dire, dans quelques secondes, on est parti pour 3 minutes 54 de rock. Apology, She-Wolf, le temps que le disque se lance, on est encore ensemble pour 35 minutes dans le rock sur Radio Web Passion. Demain, mercredi, pas d'émission Hot Rods parce que notre ami Jackal est en vacances, le Vénard. Il est du côté de Bagnères-de-Luchon, de Vigor, je crois. Bagnères-de-Bigorre, je crois. Il est dans la montagne. Il se promène, il fait des balades. Et je pense qu'il s'inspire. Et puis, je vous propose, je vais peut-être... Allez, je dis rien, mais il y aura peut-être une petite surprise à la fin du mois de septembre entre Only Rock et Hot Rods. Bon, je dis ça, je dis rien. En attendant, le titre d'Apology de She-Wolf n'est pas prêt de se lancer. À moins que... C'est parti. Ça démarre doucement. I am not your toy. I am not your toy. I am not your toy. I can't help toy. Radio Web Passion. Radio Web Passion. I'm not your fucking toy, c'est ce que le petit gimmick des She-Wolf dans leur dernier clip Apology. Donc voilà, je vais pas vous traduire parce que I'm not your fucking toy, c'est peut-être à l'attention de certains messieurs. Bref, voilà. On va passer sans transition un groupe que j'ai découvert l'an dernier au dernier Mavrika Live. C'était en novembre 2019, à l'époque où on pouvait encore faire des concerts, en organiser et aller en voir. Ils avaient fini la soirée, m'avaient vraiment mis une claque, les Shaking Mate. Alors deux dates pour les définir. 1995, c'est naissance du groupe Les Shaking Mate, formé au départ de 6 musiciens. Le groupe écume un peu les bars pour proposer un rock plutôt énergique. Et 15 ans plus tard, en 2020, en février précisément, In Rock We Trust, c'est le nouveau CD des Shaking Mates qui est sorti. Des compos, des reprises, des invités, du rock, du blues, de l'énergie à revendre. Tels sont les ingrédients de cette nouvelle galette que proposent les Shaking Mates. Quant à moi, je vous laisse avec Riding on the LAN, c'est les Shaking Mates, toujours dans le rock. Only Rock, la passion du rock sur le web, avec Fabien, en direct sur Radio Web Passion. Et l'interview, je vous le disais tout à l'heure, ce sera le 22 septembre avec le groupe Avoriaz qui nous présentera son projet du même nom, Avoriaz. Le 22 septembre, dès 18h, soyez à l'écoute d'Only Rock pour cette interview exclusive. Maintenant, je vais vous parler de Monsieur Serge Tankian. Alors, qui c'est ? Eh ben, je vais vous le présenter. Il est né à Beyrouth, au Liban, le 21 août 67. Et à l'âge de 7 ans, ses parents quittent le pays à cause de la guerre et arrivent à Los Angeles. Là-bas, en Californie, Serge Tankian fréquente une école pour Arméniens américains, la Rose and Alex Pilibos Armenian School, dans laquelle étudieront aussi messieurs Darren Malakian et Shavo Odadjian, ces fameux compères, camarades du groupe metal System of a Down. Ensuite, Serge Tankian entre à l'Université d'État de Californie, où il commence à jouer des instruments et à écrire des chansons, dont celle-ci, Corno Coupia. On écoute tout de suite Monsieur Serge Tankian. Et ce qu'on écoute, c'est Corno Coupia dans Only Rock. I think we're extraordinary beings and living. On vient d'écouter Cornucopia de Serge Tankian, paru sur l'album Harakiri. Vous êtes bien dans Only Rock sur Radio Web Passion, la radio web qu'on écoute partout et même du côté de Bagnères de Bigorre. Car je vous le disais tout à l'heure, il n'y aura pas malheureusement d'émission Hot Rods demain parce que notre ami Jackal est parti en vadrouille avec sa douce du côté de Bagnères de Bigorre. Et mon petit doigt me dit qu'il nous écoute, donc on le salue et on l'espère le retrouver très vite au micro d'Hot Rods avec des instants complices très prochainement. On continue notre parcours avec Pulp. Alors Pulp, c'est quoi ? C'est un groupe de rock britannique originaire de Sheffield. Il est composé en 1978 sous l'impulsion de Monsieur Jarvis Cocker, chanteur-guitariste qui alors n'a que 15 ans. Et aujourd'hui, c'est le seul membre présent depuis l'origine du groupe. Et puis la petite histoire, c'est que avant de commencer, le groupe ne s'appelait pas Pulp, mais Arabacus Pulp. C'était un terme un petit peu incompréhensible que rapidement le groupe a raccourci en Pulp. Je vous propose Common People, c'est le titre qui est un peu connu de Pulp. Et après, on enchaînera avec un titre mythique. Tout de suite, Common People. Sculpture at St. Martin's College, that's where I caught her eye. She told me that her debt was loaded. I said, in that case, I'll have room and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see whatever common people see. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flat trip over the shop. I cut your hair and get a job. I smoked some facts and played some pool. Pretend you never went to school. And still you'll never get it right. It's when you're one who thinks it's all such a laugh. Yeah. Tuesdays in Greece, or come out in the bath. We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control, and with nowhere left to go. You are amazed that they exist, and they burn so bright whilst you can only wonder why. Or rent a flat above a shop, cut your www.radioweb-passion.com. Et voilà, dernière ligne droite. Et là, je voulais vous proposer un titre mythique. Alors pour moi, il est mythique parce qu'il est important. Mais voilà, on s'éloigne peut-être un peu du rock. Déjà avec Pulp, on commence à naviguer vers le côté de la pop. Mais là, je vous propose un titre de Portishead, tout simplement. Sur ce disque qui ne ressemble à aucun autre à l'époque, c'était en 94, un titre sortait du lot, c'est Glory Box. Le titre que je vous propose, c'est une complainte sensuelle d'une femme qui veut juste être une femme. Et voilà ce que le groupe disait à l'époque, et il rendait à César ce qui appartenait à César. Hein. Nous étions en 1994, et ce qu'on avait appris pour, ce qu'on avait pris pour une ambiance de film noir des années 50 était en fait inspiré d'un titre de 1971. Jeff Barrow, fondateur de Portishead, a échantillonné un morceau d'Isaac Hayes qu'il n'a pas eu besoin de ralentir à l'époque. Le titre, c'est Hayes. Rap, tout, c'est le titre de cette chanson originale. Et moi, je vous la propose dans l'Irock. Glory Box, c'est Portishead. I just so wanna be a woman. from outside when you came. So a little tenderness, no matter if you cry, give me a reason to love you, give me a reason to be a woman. I just so wanna be a woman. So Only Rock, la passion du rock sur le web, sur Radio Web Passion. John Butler Trio, vous connaissez forcément. Mais voilà ce que déclarait John Butler dans une interview lorsqu'il parlait de ses débuts à la guitare. Il disait « J'ai pris des cours de guitare avec un prof quand j'avais 16 ans, mais je me suis cassé le bras, donc j'ai arrêté de jouer pendant 3 ans. Après, j'ai eu un autre prof de guitare, mais à l'époque, je voulais être skateboarder professionnel. Mais mon prof, lui, un mec bizarre, voulait que je devienne une rockstar. » En fait, il s'est un petit peu confié. En fait, il voulait juste que j'ai envie de devenir une rockstar. Mais moi, je voulais juste devenir skateboarder. Donc voilà, quand on est skateboarder mais qu'on fait un peu de guitare, bah attention, ça peut mener à tout, même à faire des concerts de rock. Voilà, je vous propose John Butler Trio, Devil Running. www.radioweb-passion.com. Et voilà les amis, on arrive au terme de l'émission Only Rock, la numéro 3 déjà de la saison 4 de l'année 2020-2021. Je vous retrouve mardi prochain 17h30-19h. On sera le 15 septembre et on écoutera entre autres les Lords of Altamont, Monsieur Hubert Félix Thiéphen et le groupe de Tours qui s'appelle Kill the Shade, mais qu'on connaît déjà un peu dans Only Rock. Ce samedi 12 septembre, Only Rock sera au Bozy Fest live avec les Brunettes, les Yeti et les Chili Dogs pour éventuellement faire quelques interviews de ces groupes-là. Donc, on les retrouvera dans l'émission. Donc, profitez-en tant qu'il y a encore quelques courageux et courageuses qui organisent des concerts, des festivals. Donc, allez-y, toujours forcément en étant soucieux des gestes barrières. Donc, portez le masque, lavez-vous les mains et gardez vos distances. Quant à moi, je vous retrouve mardi prochain, même heure, même station, Radio Web Passion. Bonne soirée avec Radio Web Passion. Ciao, ciao. Écoutez partout votre radio sur les applis Android, iPhone. Radio Web Passion. Radio Web Passion.